Ibo chez vous, Ibo partout. Sur le 98.5 FM stéréo. Depuis le 9, dans Ibo a patenté dans toute caille. Bonjour compa, information sur orchestre à groupe qui joue compa sur Radio Ibo, Radio Compa. Yo rendez-vous musique la caille 9h11 lundi pour arriver samedi sous 98.5 FM stéréo Radio Ibo Tambour Ibo frappé tout le monde veut danser tous les jours bye bye ça nous chanter pour moi. tambour ibo frappé, tout le monde levé danser. Qui ça nous voulait faire avec pays ça? Qui ça nous voulait? Nous voulait Haïti repenser pour impunité kaba, pour injustice finie, pour sac pirichio, entrepreneur qui réussit yo, connaît yo gain responsabilité dans société a, pour nous fini ak nèg en haut, nèg en bas. Nous voulons un pays côté l'État pas associé aucun grand nèg li bay privilège toute qualité. Côté domino a toujours gain mille à donne. Ça qui empêche compétition libre libre. Nous voulons pour pays changer, pour nous vivre à l'aise côté nous joindre travail. L'école, la soignée, toute qualité service qui fait nous sentir nous ces monde tout bon. Nous voulons une société sans reste avec. Pour tout parent joindre moyen occuper petit monde. Pour femme et garçon gain même chance pour yo mettre ensemble porter bourré pour Haïti clairé tant qu'on yon vrai pelle. Yon famille, yon maman petite li yo attaché à li. Suspend garder l'avenir la caille voisin. Nous voulons un pays qui chita sous la loi sans passe pour qui. Côté bandi pas faire la loi. Côté aucun représentant l'État, l'institution yo pas associé à aucun bandi. Côté sécurité blayi, la journée ou la nuit. Pour business fleurir tout partout et fonctionner 24 sur 24. Nous voulons l'État agir pour satisfaire rêve bonnet toute femme, toute garçon dans pays ya. Nous voulons un pays côté qui gagne bon gens prêts. Liberté, égalité et fraternité, c'est bagay nous main tout bon vrai dans toutes circonstances pour devise pays ya gagne un sens et puis suspend parole dans bouche. Mais ça nous voulons. Qui ça nous voulait? Un nouveau espace brasser l'idée sur Radio Ibo chaque matin, sorti 8h pour arriver 9h30. Pour nous parler sur problème pays, chercher route pour nous sortir, chercher solution pour nous entrer dans l'autre société.